La boîte à musique par E.M. Lohman. J'aimais parfois amuser ma fenêtre s'ouvrant sur l'étroite et longue promenade. Et je prenais un grand plaisir à voir les petites gens, couples de bons vieux et de bonnes vieilles, aller à pas menus sous la caresse du soleil méridional, qui chauffaient amoureusement leur pauvre dos, comme de vieux chats kakoshim. Ils allaient, dans ce silence propre au pays de soleil, et leur pas traînant berçait ma rêverie sur un mode alanguissant et triste. Le frôlement des semelles sur le gravier, ce filement de vieux êtres mettait dans ma vie d'homme jeune des sensations de repos, de vie tiède, sans bruit trop perceptible, et il me semblait alors vivre dans un temple où le marmonnement des prêtres et les pas assourdis troublent seul le silence religieux. De tous les couples, pas un n'avait plus spécialement fixé mon regard. Ils se mouvaient tous dans une banalité paisible. Un seul vieillard, mon plus proche voisin, attirait ma curiosité. Toujours vêtu correctement d'étoffe presque claire, tiré à quatre épingles, frais, rose comme un enfant, il allait pendant une heure de long en large, puis rentrait dans sa demeure proprette qui restait close à tous. Cela m'avait intrigué. L'humanité est ainsi faite qu'on éprouve l'impérieux besoin de pénétrer dans la vie de ceux qui se retirent du monde. On veut savoir, connaître, et en dépit de toute pudeur, il faut qu'on entre dans le rêve, quitte à en flétrir, à en souiller les fleurs si délicates pourtant, si frêles. Je voulais donc pénétrer le secret de ce bonhomme doux aux enfants, discret, silencieux, qui ne demandait rien à personne, et avec sagacité je dressais mes batteries. Un jour que dans son jardin, il émondait des rosiers, des gloires de Dijon, des maréchal Niel. Je lui fis compliment sur la façon dont il cultivait les fleurs. Le vieillard sourit complaisamment, très flatté. Debout devant moi, il me donna quelques conseils sur l'art de rendre mes rosiers aussi beaux que les siens. Sous prétexte d'en apprendre plus long, je l'invitai à déjeuner, voulant ainsi, lui disais-je, lui témoigner ma reconnaissance. Il fit d'abord des façons, puis finit par accepter. Pendant le repas, j'éveillai sa confiance en lui racontant quelques faits de ma vie, et lorsque nous arrivâmes au dessert, il ne fallait plus qu'un petit verre de liqueur pour lui délier la langue. « Mais dites-moi, cher et aimable voisin, lui demandai-je, vous vivez toujours seul. Depuis que je suis dans le pays, je ne vous connais aucune relation. Savez-vous que cela est le fait d'un grand criminel ou d'un délicat ?» Le bonhomme perdit pied instantanément. Il rougit, balbutia et, confus, finit par expliquer. « Je ne sais pas. J'aime la solitude. N'allez pas croire au moins. Non, je disais cela en manière de plaisanterie. Mais avouez que cela de la misanthropie et de la plus noire espèce. Mon Dieu !» fit le vieux avec un véritable chagrin. « Vous allez supposer de vilaines choses. Tenez, marchons un peu. » Je passai mon bras sous le sien et, peu à peu, je l'entraînai vers son jardin. Quand nous fûmes assis côte à côte, « C'est une belle journée, » fit-il, « mais quelle chaleur !»« Nous allons, si vous le voulez bien, prendre quelque chose. » Il se dirigea vers la maison. Je l'y suivis. J'arrivai à mes fins. J'avais réussi à mettre le vieil homme dans le cadre intime où il vivait, à le voir ainsi plus à l'aise, moins méfiant. Après m'avoir assez longtemps examiné, il commença. Il faut avouer qu'il est des gens qui ont d'étranges manies, des manies, oui, ou des faiblesses. Excusez-vous les faiblesses, monsieur. Cela dépend, lui dis-je. Si la faiblesse ne flatte ni un vice ni un défaut, elle peut être respectable. Dans les autres cas, je n'en dirai rien, estimant que chacun doit vivre à sa guise et qu'on est toujours malvenu à vouloir moraliser les autres avant de se moraliser soi-même. Le bon vieux ramena son fauteuil d'osier plus près du mien et sembla vouloir me confier un gros secret, mais il se reprit, hésitant. Après une courte réflexion, « Je suis, dit-il, le fils de gens très simples morts depuis bien longtemps. J'eus une enfance maladive, et ma pauvre chère mère eut pour moi des gâteries, des faiblesses telles que j'en ai gardé le cœur amolli et sensible à l'excès. Mon père, lui, poussa mon éducation vers des choses de rêve. On craignait de fatiguer ma santé délicate, et j'arrivai à l'âge d'homme avec ce piteux bagage, l'inexpérience et la sensibilité. Dès que j'eus 20 ans, ma mère songea à me marier, à m'unir à une femme qui pût la continuer et me choyer comme elle l'avait fait elle-même. Son choix s'arrêta sur une jeune fille douce et bonne du nom d'Hermance. Ses cheveux blonds encadraient un joli visage où se lisait la simplicité de ses goûts, et dès notre union, nous commençâmes de vivre l'un pour l'autre sans que jamais le moindre choc vînt troubler notre mutuelle sérénité. Hermance était musicienne. Sa grand-tante avait dirigé son éducation musicale, hormis l'ancien répertoire de Mozart à Boieldieu. La jeune femme ignorait tout le reste. Notre vie s'écoula ainsi, limpide, calme. Les soirs, après les travaux de la journée, Hermance servait le thé puis se mettait au clavecin, et alors toute sa science, tout son art, s'appliquait à bercer mes songes. Jamais mes rêveries n'ont été des interrogations. Je n'ai jamais dépeuplé le ciel où j'aime avoir un Dieu de justice et de bonté. Je n'ai pas non plus analysé le cœur humain, préférant le croire bon et compatissant. J'ai vu la nature belle et bonne, comme la vie, sans vouloir approfondir la mort, et simplement, j'ai vécu en admirant ce que je voyais, admiration sincère de celui qui tient à ignorer les causes et à ne point juger les effets. Ma femme mourut. Ce fut chez moi une grande douleur, bientôt apaisée par une grande résignation. Pourtant, monsieur, et voilà la grande faiblesse que je vous confie, j'ose à peine vous dire cela tant c'est puéril et enfantin, mais mieux vaut encore ne point vous le cacher. Vous ne pourrez ainsi me croire le grand criminel dont vous parliez tout à l'heure. Eh bien, continua-t-il, voici alors ce que je fis. En disant ces derniers mots, le vieux se leva, marcha vers une haute armoire. Il en sortit une robe qu'il étala sous mes yeux. C'était une étoffe ancienne à grand ramage de fleurs pâlies sur fond noir, aux manches bouffantes, et rehaussée d'une collerette en point d'Alençon. Avec des précautions de prêtre à l'autel, le vieux étala le vêtement sur un tabouret devant le clavecin. C'est la robe que portait ma pauvre Hermance, la dernière fois qu'elle s'assit devant cet instrument, me dit-il. Je la mets ainsi, puis je baisse les jalousies. Alors vous comprenez, il fait très sombre. Je remonte cette boîte, une boîte à musique que j'ai achetée en Suisse. Elle joue les airs favoris de ma femme, et là, dans ce fauteuil, je m'isole. Je ferme les yeux et j'écoute, ravi, l'instrument qui chante tous mes souvenirs. Ils viennent en foule, les uns après les autres, doucement, lentement, et je berce ainsi ma douleur. Cela dure une heure, puis lorsque c'est fini, je remets tout en place et je continue de vivre en attendant la fin. Le vieux bonhomme avait remonté la boîte. Assis dans son fauteuil, il attendait. Tout à coup, le déclic de l'instrument se déclencha avec un petit bruit sec. Les notes aigrelettes s'assemblèrent, coururent les unes après les autres dans le silence recueilli de la petite salle pleine d'ombres violettes. À la dame blanche succédèrent Robin des Bois, Gisèle, puis les Ariettes, les Menuets, les Gavottes, Mozart, Lully, Rousseau, Rameau. Et sous l'empire de cette musique discrète et surannée, d'étranges sensations m'envahirent. Je perçus, dans la brume de ma rêverie, la vieille dame. L'Hermance disparut. Je me la représentais assise, ses petites mains potelées de bourgeoise heureuse, courant sur le clavier jauni, la grande robe à ramages noyant ses formes rondelettes sous ses plis légers, sa tête rose et fraîche, rieuse, sous ses bandeaux d'argent. Une atmosphère de bonheur régnait autour de moi, et je regardais cet homme aux yeux baissés, à l'air heureux, qui avait su rendre l'image de la mort presque souriante, qui avait découvert, avec sa philosophie acceptante, une formule de bonheur. Comme il restait perdu dans l'extase de sa contemplation, je sortis discrètement. Le lendemain, j'abordai le vieil homme un peu brutalement. Son bonheur paisible révoltait les chagrins que j'étais venu enfouir dans ce coin de pays. Mais devant son air doux, un peu humble, devant sa candeur et sa foi, je sentis s'évanouir ma rancune injustifiée, et passant mon bras sous le sien, en causant d'Hermance, nous cheminâmes tous deux sur l'étroite et longue promenade, au grand effarement des bons petits vieux, des bonnes petites vieilles, qui, comme des chats cacochimes, allaient à pas menus sous la chaude caresse du soleil de midi. C'était La boîte à musique par E.M. Lohmann.